AXA, premier assureur des pros. Mon fils, il est dans les chiffres. Il les examine, il fait des analyses, il a son cabinet, comme les médecins. Soutenir son fils, pour Carole, rien de plus normal. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. L'histoire ne s'arrête jamais, mais pendant l'été, le cours de l'histoire marque une pause, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines émissions déjà diffusées. On se retrouve dès le 28 août avec une nouvelle saison du cours de l'histoire et une programmation toute neuve. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Oh, là-bas, regardez, il y a une fée. Elle est belle, elle est verte. Étrange breuvage que l'absinthe, au succès considérable durant tout le 19e siècle, avant d'être interdit au 20e et de nouveau autorisé au 21e. L'absinthe, chantée par les poètes, elle est la muse des artistes qu'elle amuse, et notamment Musset. Elle est condamnée par les médecins, car elle rendrait fou. Préparer l'absinthe oblige à respecter un cérémonial. Au-dessus du verre, un sucre est posé sur une cuillère ajourée. Au fond du verre, de l'alcool. Goutte à goutte, l'eau fraîche fait fondre le sucre. L'alcool se brouille, l'esprit aussi. Voici qu'apparaît la fée verte. L'absinthe, étrange boisson. Marie-Claude Delahaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en biologie cellulaire à l'université Pierre et Marie Curie à Paris, mais vous êtes surtout la fondatrice du musée de l'absinthe à Auvers-sur-Oise, joli musée, celui de l'absinthe, avec tout un univers, celui du 19e siècle, autour d'une boisson. Mais une boisson qui vient d'où? L'absinthe, c'est quoi? À la base, c'est une plante. Alors l'absinthe, c'est le premier spiritualisé de l'histoire. Et c'est un alcool qui va contenir en dissolution les huiles essentielles des plantes. Alors effectivement, il y a les plantes. Et la plante qui va donner son nom à la liqueur, eh bien, c'est la grande absinthe. Alors cette plante, eh bien, c'est une plante médicinale qui est louée depuis l'Antiquité pour ses vertus curatives. Elle est bonne pour la digestion, la circulation du sang. Elle est efficace contre la fièvre. Elle est tonique et stimulante. Son nom latin, c'est Artemisia absinthium, ce qui la consacre à la déesse Artemis, déesse de la lune et protectrice des femmes. Alors la plante, eh bien, va aider les femmes à franchir les deux étapes clés de la vie féminine, qui sont la puberté et la ménopause. C'était étonnant que vous disiez tout cela, Marie-Claude Delahaye, parce que vous êtes aussi spécialiste de l'histoire de la grossesse, enfin de la, pas que de l'histoire, mais de la grossesse, de la maternité. C'est d'ailleurs étonnant, hein, cette double spécialisation, la grossesse et l'absinthe, ça ne va pas ensemble normalement. Non, ça va pas du tout ensemble. Quoique les nourrices dans l'Antiquité buvaient des tisanes d'absinthe pour que leur lait devienne amer, pour que les enfants puissent être sevrés. Et aussi se mettaient écrasaient des feuilles d'absinthe sur leurs tétons pour que l'enfant n'ait plus envie de téter. Donc vous voyez, il y a quand même un petit lien. Il y a un petit lien avec cette histoire de plante. Hein, nous parlons de l'absinthe en tant que boisson. Vous nous évoquez l'absinthe, la grande absinthe en tant que plante. Mais dans la conception, la confection de cette boisson, il y a plusieurs plantes. C'est une recette en fait, il n'y a pas une absinthe. Ah bah oui, l'absinthe, ça serait pas buvable s'il y avait l'absinthe seule. Donc à la grande absinthe vont être ajoutées d'autres plantes, notamment les plantes qui vont apporter la saveur anisée, qui est la caractéristique de la boisson. Donc on va avoir l'anis vert, la badiane, qui est l'anis étoilé, également le fenouil, mais c'est pas tout. On ajoute la petite absinthe, la mélisse, et puis suivant les formules, on va encore enrichir avec des plantes. Ça va être la tanaisie, ça peut être la menthe, il peut y avoir des épices, la coriandre, etc. Et toutes ces plantes étaient mises à macérer dans un alcool fort, puis distillées. Donc en fin de distillation, on va obtenir un alcool qui a donc en dissolution toutes les huiles essentielles de ces plantes. Quand on dit alcool fort, c'est très fort. Alors ça allait de 55 à 72 degrés. Donc, plus le degré alcoolique est élevé, plus on peut y dissoudre d'huile essentielle de plante, et donc plus le produit est aromatique. C'était la raison des 72 degrés. Et de plus, l'absinthe à la sortie de l'alambic était blanche, donc il existait l'absinthe blanche, mais les consommateurs préféraient la verte. Vous l'avez dit, c'est la fée verte. Et donc, on faisait macérer dans l'absinthe blanche d'autres plantes, telles que la petite absinthe, l'hysope, qui allaient donner leur chlorophylle à l'absinthe blanche, et donc elle allait devenir verte. Et la chlorophylle ne peut rester en suspension indéfiniment que dans un alcool fort, c'est-à-dire à partir de 68 degrés. Donc c'était des questions techniques, le haut degré. Ah, l'absinthe, cette bonne petite recette familiale. En ce qui vous concerne, chère madame, est-ce que la recette de l'absinthe est une recette de famille ? En ce qui nous concerne, oui. Je me rappelle qu'étant toute petite, mon père fabriquait déjà. Il entre dans la fabrication de l'absinthe, de l'anis, du fenouil et de la grande absinthe, qu'on appelle également vermouth. La grande absinthe pousse ici, n'est-ce pas ? On la cultive ici. Et l'anis ? L'anis nous vient d'Espagne et le fenouil de France. Est-ce que vous aviez un sentiment de culpabilité lorsque vous distilliez l'absinthe ? Non. Au Val de Travers, on ne pouvait pas avoir ce sentiment-là. Vous saviez pourtant que c'était interdit. Oui, mais pourquoi ? Au Val de Travers, ça ne s'invente pas pour parler de l'absinthe. C'est la radio-télévision suisse en 1960 qui présentait cette recette d'absinthe. Alors déjà, Marie-Claude Delahaye, il faut rappeler qu'en 1960, l'absinthe est illégale, encore en Suisse. Et puis, il faut bien souligner que ce n'est pas un hasard si l'on parle de l'absinthe et de la Suisse. Oui, c'est pas du tout un hasard, et puisque l'absinthe est originaire de Suisse, en fait, c'est à la fin du XVIIIe siècle qu'une vieille femme va concocter un élixir d'absinthe, on l'appelait la mère Henriot, et donc l'élixir de la mère Henriot était donné aux malades, puisqu'au départ, c'était quand même une boisson curative, la plante absinthe a énormément de vertus, et donc les malades s'en trouvaient bien. Et ça n'a pas échappé à un commerçant du coin, le major Dubier, qui a racheté la formule de la mère Henriot pour faire une fabrique plus industrielle. Alors ce major Dubier était courtier en dentelle, autrement dit il n'y connaissait rien, et il va donc s'associer à un jeune homme dont le père était bouilleur de cru, et c'était Henri-Louis Pernaud. Donc la première distillerie qui va commencer à être un petit peu industrielle apparaît en Suisse, dans ce canton de Neuchâtel, en 1797. Et puis Pernaud, eh bien, voit que les affaires commencent à bien marcher. Il va passer la frontière et s'installer à Pontarlier dans le Doubs en 1805. Donc en 1805, on a la première distillerie française. À Pontarlier, avec ce nom qui est associé. À Pontarlier. Et oui, à l'absinthe. Et justement, il y a plein de regards à porter sur l'absinthe. Le vôtre, hein, Marie-Claude Delahaye, ce regard sur l'histoire même de l'absinthe. Et puis, vous allez nous aider aussi à développer un regard beaucoup plus social, voire littéraire. Et avec nous dans le cours de l'histoire aujourd'hui, José-Louis Diaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de littérature à l'Université de Paris. C'était Diderot auparavant. Vous étiez président de la Société des études romantiques et 19e, société magnifique. Vous êtes maintenant vice-président, vous avez eu un vice, mais ce n'est pas celui de l'alcool, ce n'est pas celui de l'absinthe. Mais dans votre regard, parce que vous avez vraiment de longues études autour de personnages tels que Balzac, essentiels pour comprendre la société du 19e siècle, l'absinthe n'est pas quelque chose en marge. Elle est omniprésente en fait dans la littérature. Elle est omniprésente, mais pas tout au long du siècle quand même. Il faut vraiment, puisqu'on est dans une édition historique, il faut historiser les choses et avoir une chronologie précise en tête. On a rappelé, on vient de rappeler la naissance, l'origine de la chose absinthe, du produit absinthe. Mais quant à l'entrée en littérature, ça se fait assez progressivement. Les poètes et les écrivains boivent de l'absinthe avant même d'en parler ou d'en faire littérature, ou d'en faire poésie. Musset, on le connaît, c'est lui pratiquement le premier, disons, à avoir innové en s'emparant de ce breuvage, mais pourtant il ne le consomme pas pur. Hein, il mélange avec à la fois du cognac et de la bière, dit-on. Alors, ah oui. Imaginez le mélange explosif, ça c'est Musset. Parce que l'absinthe, normalement, se consomme avec de l'eau. Hein. Ça ressemble avec aujourd'hui l'eau, aux boissons anisées. Mélange l'absinthe, comme je viens de le dire. Mais c'est pas tout de suite, donc, que ça se passe. Nous sommes juste au lendemain des années 1830. Nous sommes à une époque où, pour l'instant, la boisson favorite des cercles littéraires et artistiques, c'est le punch. C'est le punch de Hoffmann. Hein. La divine liqueur, la liqueur favorite d'Hoffmann. Hein. Et jusque dans cette décennie 30-40, c'est le punch qui gagne très très loin. Les jeunes France boivent du punch et n'ont pas de l'absinthe encore. Pour que l'absinthe arrive, entre dans le cercle littéraire, il faut attendre un peu les années bohèmes plutôt, après les années 40. Et pour ce qu'elle entre en littérature par des textes, hein, la fin des années 40 cette fois-ci, sans doute un texte de Musset, mais qui est resté dans ses cartons, hein, qui n'a pas publié de son vivant. Un texte d'ailleurs assez railleur, impie à la fois. Jugez combien l'absinthe est sainte. Toujours cette rime qu'on retrouvera souvent d'ailleurs. Hein. Puisqu'avec deux verres d'absinthe, on peut doubler le firmament. Ne riez pas, l'absinthe est bonne. L'écriture en parle beaucoup. Il faudra que nous dise vous d'ailleurs. Hein. Et quelque part, Dieu me pardonne, notre Seigneur en bute un coup. Ah oui, c'est Musset. Donc Musset, voilà. Réellement précurseur, bah d'ailleurs, cette absinthe se retrouve dans ses poèmes de jeunesse. La solitude et la débauche, la rage de brûler, ivrogne et libertin, vulnérable et passionné, scandaleusement célèbre à 23 ans, d'une précocité exceptionnelle, il chargeait son existence d'émotions aiguës et répétées. Incapable, selon Sainte-Beuve, de concevoir la vie digne d'être vécue qu'entourée et revêtue d'un perpétuel délire. L'âme et le corps, hélas, ils iront deux à deux tant que le monde ira pas à pas, côte à côte, comme s'en vont les vers classiques et les bœufs. L'un disant « tu fais mal » et l'autre « c'est ta faute. Ah, misérable hôtesse et plus misérable hôte, ce n'est vraiment pas vrai que tout soit pour le mieux. Et la preuve, lecteur, la preuve irrécusable que ce monde est mauvais, c'est que pour y rester, il a fallu s'en faire un autre et l'inventer. Un autre. Monde étrange, absurde, inhabitable. Et qui, pour valoir mieux que le seul véritable, n'a pas même un instant eu besoin d'exister. Le poème Namouna d'Alfred de Musset, poème de jeunesse, un enregistrement de l'ORTF en 1973. José-Louis Diaz, justement, Musset est l'un des premiers à s'intéresser à l'absinthe. Mais il n'est pas là en tant qu'individu seul, il est dans un mouvement. Pourquoi dans ces années 1830, un regard particulier est porté par les écrivains, les auteurs, sur certains alcools? Ça s'inscrit dans une très très longue histoire, là aussi. Ça s'inscrit dans une histoire qui remonte à l'Antiquité. Les rapports de la poésie et de l'ivresse, de la poésie et du vin, sont à l'origine même de la poésie, dans sa version dionysiaque. Les implications réciproques de la vigne et du poème sont décisives et essentielles. Il faut les avoir en perspective. À la Renaissance, on imagine même une théorie des quatre fureurs qui s'inspire de Platon. Et les quatre fureurs qu'on a à Paris, qu'on compare constamment, c'est la fureur amoureuse, la fureur poétique, la fureur, bien sûr, éthylique, et enfin la fureur apollinienne, celle du devin, celle de la pitié de Delphes, hein, qui se trémousse sur son trépied. Donc, on a pensé tout au long de l'histoire culturelle, disons, pendant deux millénaires, les implications réciproques, donc, de la poésie, de l'amour et de l'ivresse. Et encore, au XIXe siècle, Banville, dans une expression que je vais citer, rappelle ces quatre fureurs qui sont devenues trois pour l'instant. La coupe, le sein et la lyre nous donnent le triple délire. Voilà où nous en sommes. Donc là, l'absinthe comme participant du délire poétique, de l'ivresse poétique, et comme apportant sa note particulière à une tradition séculaire qui, avant bien sûr, s'est fondée beaucoup plus sur le vin. Sur le vin, et c'est vrai que nous sommes dans ces années 1820, 1830, le romantisme est là, et nous n'imaginons pas Alfred de Musset dans un délire dionysiaque. Ce n'est pas ça qui l'intéresse, hein. C'est autre chose, c'est une vision de l'alcool qui doit aider à transcender certaines peut-être barrières sociales, aller plus loin. Comment l'alcool est-il perçu pour la création par Musset ? Par Musset. Alors, on ne peut pas dire que Musset théorise la chose et qu'il en parle. En fait, Musset a une pratique éthylique constante et qu'il détruira, comme on sait, et c'est constamment dit, et en particulier par Vallès, qui dit à la fois combien, qui se plaint du fait que Musset ait produit des ivrognes plus que des poètes, en quelque sorte. Mais Musset, en fait, ne pense pas. L'alcool ne le pense pas l'absinthe, alors que quelqu'un comme Baudelaire ou quelqu'un comme Balzac vont au contraire théoriser. Alors pas l'absinthe, que Baudelaire d'une façon étrange méprise comme un excitant vulgaire, dit-il quelque part dans les paradis artificiels. Le texte grandiose où Baudelaire aborde l'ensemble des excitants modernes, selon l'expression de Balzac lui-même. Donc voilà, il faut pas imaginer que l'absinthe monte en puissance tout de suite et d'une façon déterminante et dominante. Au contraire, c'est vers la fin du siècle et progressivement que l'entrée en littérature de l'absinthe a lieu. Et notamment avec ce passage, vous avez très bien fait, José Luis Diaz, de souligner l'importance de la chronologie dans cette histoire-là. L'absinthe de Musset des années 1830 n'est pas du tout celle de Rimbaud, par exemple, dans les années 1870. Le poème s'intitule « Verte absinthe ». L'homme est au cabaret à boire son absinthe. Oh, l'absinthe, l'affreux poison. Il frappe les petits-enfants, il bat sa femme. Tous pleurent dans son taudis. Les ivrognes, oh déchus, n'ont plus de cœur ni d'âme. Merde. N'ont plus de cœur ni d'âme. Par tout le monde, ils sont mépris. C'est de la merde authentique. Les ivrognes déchus n'ont plus de cœur ni d'âme. J'aime beaucoup. Par tout le monde, ils sont méprisés et maudits. Ivrognes, c'est par ces vers que vous finirez oxy. Moi ? Oui, vous, petit morveux malfaisant, sortez ou je vous jette dehors. Oh, je crois pouvoir me permettre, n'est-ce pas, d'élever quelques objections contre le saccage de la poésie française. C'est Rimbaud, en l'occurrence, c'est Leonardo DiCaprio dans le film d'Agnieszka Holland, ce film sur Rimbaud Verlaine. Effectivement, là aussi, nous entendons bien avec Rimbaud une toute autre approche de l'absinthe, José Luis Diaz. C'est pas du tout l'absinthe que pouvait approcher Balzac. Cette absinthe-là, nous sentons une absinthe qui touche à la transgression avec des gens comme Rimbaud. Oui, l'absinthe est un des moyens pour Rimbaud, et le plus commun pour lui d'ailleurs, de parvenir à ce qu'il appelle le dérèglement de tous les sens. C'est de ça qu'il s'agit, d'atteindre donc une autre humanité, de changer d'être en quelque sorte. Mais il ne faut pas non plus exagérer, parce que là aussi, il faut remettre les choses à leur place. Rimbaud boit de l'absinthe, le consomme en particulier dans les caboulots du quartier latin, comme on dit, rue Saint-Jacques en particulier, dans un café qui s'appelle l'Académie. Bon, ça c'est très connu, mais si on regarde ensuite ce que ça donne du point de vue de sa production littéraire, c'est assez maigre en fait, c'est assez maigre. Il y a dans Élimination quelques distiques, Gagnon, très très très compliqué à interpréter et qui a suscité beaucoup de commentaires, que je ne vais pas aborder aujourd'hui. Gagnon, pèlerin sage, l'absinthe au vert pilier. Voilà l'absinthe chez Rimbaud dans l'œuvre poétique de Rimbaud. Mais dans un distique antérieur, il vient d'évoquer aussi, enfin deux distiques antérieurs, le vin d'abord. Viens, les vins sont aux plages et les flots par millions. voit le bitter sauvage rouler du haut des monts. Donc il ne faut pas imaginer que l'absinthe mange tout. Hein. Il reste de la place pour les autres breuvages, et en particulier le bitter ou la prune, comme on dit à l'époque aussi. Voilà. Parce que quand nous focalisons sur un objet d'étude, nous ne voyons que lui. Et voilà. Il faut garder. Prendre un peu de recul. Un peu de recul, voilà. Mais c'est sûr que l'absinthe est fascinante. L'absinthe est quand même omniprésente au 19e siècle. Ah, monsieur, le quartier se transforme. Moi qui vous parle, j'en ai vu des changements. Avant, la clientèle, c'était des gens de tous les jours. Maintenant, il y a des étrangers. Hier soir, on a eu un grand-duc. Un grand-duc? Ouais. Attention, vous allez noyer votre absinthe. Merci. Il a commandé du champagne. On n'en avait pas. Il a bu de la verte comme tout le monde. Il m'a laissé un louis de pourboire. Il y a que la reine blanche qui change pas. Garçon. Monsieur. Merci, monsieur. Le film French Cancan de Jean Renoir en 1955 avec Jean Gabin. Jean Gabin qui noie son absinthe, Marie-Claude Delahaye. Justement, il y a toute une approche de l'absinthe qui est celle de l'histoire du geste. Comment prépare-t-on une absinthe ? Alors, une absinthe, évidemment, déjà, il faut prendre un beau verre. L'absinthe va engendrer toute la fabrication de tout un tas de petits matériels de café qui vont faire partie de l'art de la table, parce que dans les familles bourgeoises, on aura de très très beaux objets. Donc on prend un beau verre, c'est-à-dire un verre qui est haut et large, et qui a de préférence une boule creuse à sa base. Et cette boule va contenir la dose d'absinthe. Donc l'absinthe est toujours au fond du verre. Alors l'absinthe ne se boit pas pure, normalement. Et donc, on va poser sur le verre une cuillère à jourée sur laquelle on va poser un sucre. Et ensuite, on va faire fondre le sucre avec un fin filet d'eau fraîche. Alors, l'eau, elle n'est pas versée n'importe comment. Pour cela, il y a des carafes un peu spéciales avec des becs effilés qui permettent le fin filet. Mais surtout, il y a les fontaines à eau. Donc, imaginez un pied en étain qui supporte un bol, un vase en verre et duquel partent quatre petits robinets très fins. Donc imaginez les quatre verres sous les robinets et là vous avez une scène totalement conviviale. Donc l'absinthe, avec cette préparation, est une séductrice. Ce n'est pas par hasard qu'on l'a surnommée la fée verte et elle exerçait une attractivité particulière sur le consommateur. Et même Dracula, dans le film de Coppola, boit de l'absinthe. L'absinthe est l'aphrodisiaque de l'âme. France Culture. La petite fée verte qui vit dans l'absinthe convoite votre âme. Le cours de l'histoire. Je suis la fée verte. Xavier Mauduit. Oui, enfin, la fée plus ou moins verte, Marie-Claude Delahaye, selon la quantité d'eau que l'on met, elle est vert clair ou vert foncé. Il y a aussi ça, la possibilité de boire des absinthes très épaisses, dirons-nous. Oui, alors l'absinthe n'est pas toujours verte. Elle peut être blanche, comme je l'ai dit au début. Elle peut avoir des tons plus ou moins jaunes et ambrés. Mais malgré tout, les gens la voyaient verte quand même. Elle a un petit reflet vert quand même. Et puis, comme vous l'avez dit, on met plus ou moins d'eau. Alors, quand on met pas beaucoup d'eau, qu'elle est un peu épaisse, eh bien, on a fait une purée. Et puis certains, avec un certain degré d'alcoolisation, ne vont plus mettre d'eau du tout. Donc, dans les caboulots, on entend « garçon, une pure ». Et voilà, donc là, on est quand même à 72 degrés d'alcool, et plus les huiles essentielles. Donc, on va tomber dans une alcoolisation très importante à la fin du 19e siècle. Et oui, l'alcool toujours à consommer avec modération, même si l'absinthe est chantée par les poètes. Dans un taudis dont l'amour d'une mère ne peut cacher l'atroce pauvreté, quelques bambins vivent dans la misère d'un peu de soupe et de grands coups de pied. Le père avait pourtant fait des études et aurait pu devenir avocat. Mais il a pris une triste habitude, soir et matin, matin et soir il boit. Et quand par hasard il rentre au logis, à sa pauvre femme qui sanglote, il a dit: donne-moi de l'absinthe, afin que je m'enivre. Donne-moi de l'absinthe, sans quoi je ne peux vivre. Donne-moi de l'absinthe, car l'absinthe, moi, j'aime ça. Donne-moi de l'absinthe, ou sans ça, je te bats sauvagement. Un jour où faisant fi de la morale, il veut aller au bistrot dépenser la prime des assurances sociales. L'épouse sent la colère à la gagner, saisissant son courage d'une main et de l'autre un couteau de cuisine qu'elle avait dissimulé dans son sein. Elle lui plonge dans la poitrine et la brute avinée, sentant ses jours partir, ose encore murmurer avant de s'évanouir: donne-moi de l'absinthe, afin que je m'enivre. Donne-moi de l'absinthe, sans quoi je ne peux vivre. Donne-moi de l'absinthe, que je puisse oublier, qu'à cause de l'absinthe, tu viens de me frapper sauvagement. À l'hôpital, on a conduit le père afin de lui recoudre le poumon et la soigner par une brave infirmière. Il sent revenir peu à peu la raison. Quand il en sort repentant et sincère, il jure de ne plus boire que de l'eau. Et désormais dans son logis prospère, on sait que l'alcool est un vilain défaut. Devenu président des anti-alcooliques, c'est d'un ton repentant qu'au meeting il explique: méfiez-vous de l'absinthe, c'est un breuvage infâme, quoi. Méfiez-vous de l'absinthe, à cause bien des drames. Méfiez-vous de l'absinthe, car de vos gais foyers, l'ensorceleuse absinthe ne fera qu'un brasier sauvagement. Et souvenez-vous de la conclusion que l'on peut tirer de cette belle tranche de la vie populaire: quand les parents boivent, les enfants trinquent. Méfiez-vous de l'absinthe par Ginette Garcin, avec des paroles de Jean-Yann dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Somaya Dabèche, avec aujourd'hui à la technique Jacques Hubert. Aujourd'hui, nous partageons autour d'une fontaine d'eau fraîche quelques verres d'absinthe. L'absinthe qui est aussi alors une source pour celui qui étudie la littérature du 19e siècle, José Luis Diaz. Il y a un biais à prendre à partir de l'absinthe, mais vous nous l'avez bien dit, attention au focus, attention à l'effet loupe. Pourtant, dans cette littérature du 19e siècle, et je pense notamment à Baudelaire, il y a cette quête du paradis artificiel, et l'absinthe s'inscrit en fait dans cette recherche. Tout à fait, c'est ça. Il faut vraiment avoir en perspective cette vision un peu plus large. Ce sont les paradis artificiels et la drogue est aussi importante chez Baudelaire que l'absinthe. Et donc il faut avoir une vision plus généraliste, mais en revanche, ces excitants de divers ordres sont essentiels pour comprendre la littérature telle qu'elle progresse vers la fin du siècle. La dimension éthylique, la dimension drogue de la littérature s'accroît, monte en puissance, l'absinthe venant en quelque sorte apporter sa note suprême quelque part, il faut le reconnaître, par les années 65, 80, 90, ce sont les grandes années de la littérature de l'absinthe, de la poésie de l'absinthe. Et donc, pourquoi? J'allais vous poser qu'est-ce qui fait qu'on ait besoin de chercher des paradis artificiels, voilà. Une petite aide. Alors, ça, bien sûr, pour se distinguer, d'une part, pour se pour comment dire, pour calmer son désespoir, son spleen, hein, comme le disent souvent les poètes, Baudelaire, mais aussi Théo Hannon, par exemple. Hein, l'absinthe, elle guérit. Mais l'absinthe aussi, elle a une force heuristique, nous dit-on. Un article du Figaro de 1863, qui s'intitule justement, comme l'émission d'aujourd'hui, « La fée, ou presque, la fée aux yeux verts », nous dit cela. « Le vin abrutit, apoplectise, l'eau de vie littéralement assomme. L'absinthe éclaircit le regard, excite la verve, agrandit le champ de l'imagination et fait pulluler les idées. Elle est l'âme et le ressort de ces conversations étincelantes d'où jaillissent en feu d'artifice les mots spirituels, les traits piquants, les épigrammes incisives. Enfin, c'est l'absinthe qui improvise l'illusion poétique en créant les mirages de la réalité. » Magnifique ce texte. C'est un texte de journaliste, journaliste assez peu connu, c'est pas une grande signature, mais qui dit presque tout de ce qu'on doit savoir de la capacité littéraire, la force heuristique, comme je disais, de l'absinthe. Oui, parce que l'absinthe est quelque chose que l'on trouve assez facilement dans la littérature, dans les textes. Vous utilisez la presse en allant sur le site de la bibliothèque numérique Gallica, de la Bibliothèque nationale, en tapant le mot de l'absinthe. Ce sont des milliers d'occurrences qui apparaissent. Et José Luis Diaz, vous avez cité un nom, celui de Théo Hannon. Théodore Hannon. Alors, évidemment, là, c'est formidable parce qu'il est à la fois poète, à la fois peintre. Donc, nous touchons tous les champs de l'art. Donc, il faudrait qu'il sculpte et qu'il fasse un peu de musique aussi. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'avec lui encore, eh bien, nous avons de l'absinthe. Ça tombe bien, il est avec nous. Filtre charmant, ô toi que redoutent les mères et les amantes. Filtre aux caresses amères. Absinthe, viens à nous dans l'infini des spleens. Toi, le sûr guérisseur des douleurs anciennes, aux nuits d'antan fauchées par les magiciennes. Absinthe, viens à nous dans l'infini des spleens. Lorsque ton âme, au fond de nos vers, s'éveille, c'est un chant de répit qui nous berce. Ô merveille, absinthe, viens à nous dans l'infini des spleens. Tu portes la couleur tendre de l'espérance, glauque étendard flottant joyeux sur la souffrance. Absinthe, viens à nous dans l'infini des spleens. Ta robe resplendit des feux de l'émeraude, elle est verte à l'égal des forêts où juin rôde. Absinthe, viens à nous dans l'infini des spleens. Le poète belge Théo Hannon qui a laissé de côté la bière pour s'intéresser à l'absinthe, les litanies de l'absinthe, une lecture de Marion L'Enfant dans le cours de l'histoire sur France Culture. José Luis Diaz, bien justement là nous sentons, et avec cette lecture habillée, habitée, nous avons cette absinthe qui emmène loin. Mais en cette fin du 19e siècle où le romantisme est déjà loin, la bohème aussi est quelque chose qui est plus conceptualisé que réalité, ou en tout cas un désir de vie pour les artistes, qu'ils soient écrivains ou peintres. L'absinthe, en fait, est une jolie réponse à des attentes dans la littérature. Elle est à la fois populaire, elle permet d'atteindre des états un petit peu marginaux ou de l'au-delà. Elle répond bien aux attentes, en fait. Oui, elle répond aux attentes des poètes et des prolétaires de l'intelligence, que sont ces bohèmes. Hein. C'est là que ça démarre. Hein. C'est là que l'absinthe devient chose littéraire, d'abord non pas par la littérature et par l'expression qu'elle permet, ou par la thématique qu'elle permet, mais tout bêtement par la consommation de breuvages dans les brasseries et dans les caboulots. Hein. Ça commence comme ça. Hein. Et ce qu'ils cherchent dans l'absinthe, ce qu'ils trouvent dans l'absinthe, c'est cet alcool intense, fort, suprême, en quelque sorte. Hein. Ce monstre, ce filtre, hein, comme on dit sans arrêt. Et l'absinthe a ce prodige, a cette force, cette vertu, que non simplement elle est un breuvage intense, mais un mot déjà aussi. C'est important. Le mot absinthe. Alors, c'est un mot qui a une origine grecque un peu obscure, auquel on a attribué parfois une étymologie fantaisiste. Rabelais le fait lui-même dans le Pierre-Livre, hein, absinthe, disant l'absence, ce qui est impossible à boire, ce qu'on ne peut pas boire, avec le ab privatif. Hein. Bien sûr que c'est faux, hein, c'est ça. Mais en tout cas, il y a un mot que les poètes vont manier aussi, hein, avec prédilection. Ils vont jouer sur le mot, ils vont le compléter d'une série de termes comme absinteur, hein, comme absinteuse, absintier, absentisme. Donc le moment de la mode de l'absinthe est le moment aussi d'une grande effervescence linguistique autour de l'absinthe. Et il y a aussi dès l'époque, c'est quelque chose de très moderne. Dans certains textes, j'ai trouvé aussi l'abréviation LAPS. ABS, AB2S. Hein, prends une APS. Le roi de l'APS, comme dit un romancier de 1865 dans un ouvrage qui s'appelle Les buveurs d'absinthe. Hein, les buveurs d'absinthe. Hein. Voilà. Donc l'absinthe, effectivement, devient une chose intense, hein, une pratique, mais aussi, alors voilà, c'est ça qui est intéressant, une pratique sociale aussi. C'est intense, c'est quelque chose qui détruit l'intérieur, habite le poète et l'inspire en principe, avant les conséquences que l'on sait ensuite. Enfin, mais c'est aussi une pratique sociale. Hein. L'heure de l'absinthe. Il y a un très beau texte d'un autre journaliste qui s'appelle Charles Moncelet en 65. L'heure de l'absinthe. Il y avait l'heure du berger, maintenant il y a l'heure de l'absinthe. Et l'heure verte. Ouais, l'heure verte, comme on dit aussi. L'heure verte, comme on dit aussi, absolument. Et sur les boulevards, le moment, c'est 5 o'clock absinthe, comme dit un autre poète de l'absinthe, hein, c'est un moment essentiel, c'est un moment qui rythme le temps du clan littéraire. Et l'absinthe, on la prend sur le boulevard, dans petits groupes, sur les tables. Hein, nous sommes un jour, justement, ça devient à nouveau possible aussi pour nous. Hein, et il y a tout un moment qui ensuite se tire dans la soirée. Hein, ça commence à 5 heures, ou même à 4 heures, dit-on, ce qui est très très, très tôt pour nous, pour un apéritif, mais c'est comme ça à l'époque. Hein. Et donc, il y a donc à la fois donc une pratique sociale qui règle le temps, hein, qui rythme le temps, qui règle l'espace aussi. C'est dans certains lieux que ça se passe. Quadrille Paris, quadrille les villes, hein, et plutôt la France, l'Angleterre ça, ne connaît pas, par exemple. Hein. Il faudrait voir une géographie européenne de l'absinthe. Je suis pas sûr qu'elle excède beaucoup les bornes du territoire national, et même que si on sort de Paris, il y en a un peu moins. Dans les provinces, c'est déjà moins marqué. Si dans les villes de province, dans les grandes villes de province. Donc il y a une dimension donc aussi, comment dire, urbaine, hein, de l'absinthe, sociale. Temporelle, festive d'absinthe, et à la fois une dimension, cette fois-ci, poétique. Alors, quelle poésie, quelle littérature fait-on de l'absinthe ? Il y a à la fois de la poésie, on l'a vu, avec Théo Hannon, on a pu le voir. Mais par exemple, un grand consommateur d'absinthe comme Verlaine n'écrit pas sur l'absinthe. Hein. C'est un petit peu étrange, mais c'est comme ça. Et il en parle simplement dans ses confessions, en se plaignant justement qu'on l'appelle la fée verte. Alors dit-il, c'est une sorcière et non pas une fée. Voilà. Et puis, dans la littérature aussi, il y a une autre forme de littérature, mais il y a toutes les chansons à boire. Mais cette sociabilité autour de l'absinthe, Marie-Claude Delahaye, est quelque chose de très important parce que l'absinthe provoque énormément de discours. Alors, c'est formidable, l'absinthe, on se retrouve pour discuter, mais elle est déjà condamnée par les médecins. Alors, oui, elle va très vite avoir mauvaise réputation. Dès 1859, alors que les distilleries commencent à se multiplier beaucoup, le docteur Motteg a constaté chez les gros buveurs que quelques des désordres nerveux qui vont être différents de l'alcoolisme, avec des sensations tactiles douloureuses, des tremblements, ça va jusqu'à la paralysie des nerfs périphériques, des convulsions tétaniques, voire à plus haut degré des crises épileptiformes, et la face est d'une pâleur extrême, ce qui contraste avec le faciès rouge des buveurs de vin. Donc l'Académie de médecine en 1903 va regrouper ces manifestations sous le terme d'absinthisme et reconnu officiellement la toxicité de l'huile essentielle d'absinthe. Oui, parce que là, c'est vraiment une question très importante que vous soulevez, une question qui a interrogé les médecins au 19e siècle, Marie-Claude Delahaye, c'est que ce n'est pas de l'alcoolisme. Enfin, il y a de l'alcoolisme, hein, s'il y a de l'alcool. Mais l'absinthe provoque autre chose. Et ça, ça intrigue beaucoup. Ça provoque, alors, on dit la folie, ça provoque un esprit un peu criminel aussi. Alors ça, c'est le langage des ligues anti-alcooliques qui se sont créées dès 1870 et qui vont se regrouper pour former la Ligue nationale contre l'alcoolisme en 1903. Donc il va y avoir des slogans tels que « l'absinthe rend fou ». Et puis même dans les caboulots, on pouvait entendre « garçon, une correspondance », ce qui voulait dire une correspondance pour Charenton où se trouvait l'asile de fous. Donc il va y avoir toute une problématique médicinale, médicale autour de l'absinthe. Et donc ça va jouer beaucoup dans l'interdiction, mais c'est pas la seule raison de l'interdiction. C'est pas la seule raison, mais c'est vrai que l'alcool en soi déjà est condamné, enfin la trop grande consommation d'alcool. Marie-Claude Delahaye, l'interdiction de l'absinthe arrive en 1915. C'était déjà un peu le cas en Suisse, avant même la Première Guerre mondiale. C'est vraiment parce qu'il y a un constat que certaines substances dans l'absinthe dérèglent un peu l'esprit. Alors, dans l'huile essentielle d'absinthe, il y a de nombreuses molécules qui la composent, mais il y en a une particulière qui est incriminée, c'est la thuyone. Alors, cette thuyone est présente dans de nombreuses plantes aromatiques comme la sauge, et c'est elle, en fait, qui confère une partie des propriétés médicinales aux plantes qui en contiennent. C'est une molécule qui complète la formule de l'huile essentielle, qui est essentielle, mais qui ne doit pas être prise en excès, puisque c'est elle qui est supposée engendrer des crises épileptiformes. Donc, il y a aussi l'alcool. Et il ne faut pas oublier qu'on a deux sortes d'absinthe. Les absinthes chic et chères qui vont être bues par la bourgeoisie, qui sont des absinthes avec double rectification dans de l'alcool bien distillé. Et puis vous avez les absinthes bon marché, meilleur marché que le vin, qui sont des mélanges d'huile essentielle de provenance inconnue dans de l'alcool mal rectifié, quelquefois de l'alcool méthylique. Donc là, on a vraiment des produits toxiques. Donc, quand on parle de la toxicité de l'absinthe, il faut aussi savoir de quoi on parle et de la quantité ingérée. Et dès lors, c'est vrai qu'il y a, pour les milieux les plus populaires, cette volonté de boire de l'absinthe, mais de ne bénéficier que de la mauvaise absinthe, ce qui pose des problèmes, et ces problèmes se retrouvent en littérature. On la connaissait dans le quartier latin, sous le surnom de Vert de Gris, qu'elle lui avait fait donner ses souleries d'absinthe et les teintes verdâtres de ses joues devenues molles et malsaines. Effarée, frappée d'hystérie par la boisson, elle se pendait dans les bals publics au cou de tous les hommes. C'était la débauche ivre, avachie, n'ayant plus même conscience des puanteurs du ruisseau au milieu duquel elle se vautrait. Marion Malenfant, qui lisait un extrait d'un roman d'Émile Zola, Madeleine Ferrat, il était question de Louise, hein, une amie de Madeleine. Dites-nous, José-Louise Diaz, la littérature s'empare de l'absinthe, les poètes notamment, très bien, mais il y a aussi dans la volonté de décrire la réalité, le naturalisme avec Zola, le constat que l'alcool et notamment l'absinthe font des ravages. Bien sûr, c'est l'essentiel de la littérature, cette fois-ci, de prose. Hein, il faut distinguer prose-poésie. Là, il y a une opposition très, très, très, très simple. Et je ne vois pas de roman de l'absinthe, puisqu'il y en a plusieurs. Hein, il y en a plusieurs qui poétisent l'absinthe. Au contraire, ils insistent tous, me semble-t-il, sur le côté destructeur du breuvage en question. Hein, la fée verte devient plutôt l'hydre verte, ou la sorcière verte, et on joue constamment, bien sûr, sur ces diverses désignations. Donc il y a effectivement une littérature réaliste avant, et puis naturaliste ensuite. Zola, c'est un roman de jeunesse, qu'il a été question, mais on retrouve l'absinthe dans Nana, bien évidemment, elle aussi se saoule à l'absinthe. Donc il y a toute une littérature qui insiste au contraire sur tout le côté assommoir de l'absinthe qui existe aussi, n'est-ce pas? Mais je crois que finalement, ce qu'on doit retenir, c'est plus la poésie finalement, parce que comme ainsi par la poésie, l'absinthe se relie à la grande histoire civilisationnelle qui traverse deux millénaires, mettant en jeu, en relation la poésie et l'ivresse, cette fois-ci nous sommes dans quelque chose qui tient très fort, donc les poètes de l'absinthe sont, me semble-t-il, plus, même s'ils sont discrets finalement, même s'ils sont peu importants, c'est pas les grands, Musset, il y a les quelques vers que j'ai lus, on lui attribue une ode à l'absinthe qui n'est pas de lui bien évidemment, qui est assez grandiloquente et qui n'est pas du tout de son style, qui est apparu à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, donc voilà, mais les poètes de l'absinthe, il y en a un autre qu'on n'a pas mentionné pour l'instant et qui est le poète spécialiste de l'absinthe, en quelque sorte, c'est Raoul Ponchon. Raoul Ponchon, qui est vanté par Verlaine, lequel Verlaine est un buveur invétéré d'absinthe, mais qui lui-même n'écrit pas sur l'absinthe, pour avoir écrit ce « Five o'clock absinthe », publié dans les années 80, qui commence ainsi « Quand le couchant étend son voile d'hyacinthe sur Rastakopoulos, c'est à l'heure, assurément, de prendre son absinthe. Qu'en penses-tu, mon fils ? Alors, ça continue ensuite, avec d'ailleurs des recettes de l'absinthe dans le poème lui-même, pour s'amuser, en quelque sorte. Et dans le recueil qui sera publié tardivement, La Muse au cabaret de Raoul Ponchon, nous avons véritablement un cycle complet sur l'absinthe, 7 poèmes, avec un sonnet de l'absinthe, avec un autre poème intitulé L'absinthe et le cobaye. Voilà. Et donc, lui, oui, investit l'absinthe poétiquement et d'une façon, en professionnel, en quelque sorte, de la chose, mais il a écrit aussi une chanson vineuse, par exemple, pour bien montrer que tout cela, par ailleurs, se situe dans la tradition ancienne dionysiaque. Voilà. Oui, parce que le vin est toujours présent. D'ailleurs, José Luis Diaz, vous dirigez cette sublime revue, Le Magasin du 19e siècle. Et dans ce magasin du 19e siècle, il y a beaucoup de choses à voir dans le magasin, beaucoup de choses à trouver. Et justement, il va y avoir tout cet alcool, tout cet absinthe, avec tout ce que l'absinthe a généré, en fait. C'est ça qui est fascinant autour d'un alcool. Vous nous évoquez les poètes, il y a cette littérature en prose un petit peu marginale. Et puis, il y a, j'ai envie de résumer cela en un univers. Le mot absinthe évoque en lui seul un univers. Un univers, absolument. Absolument. C'est bien comme ça que ça se passe, effectivement. Le mot est un déclencheur. Le mot lui-même ouvre des perspectives. Et encore pour nous, j'ai l'impression. Sa magie fonctionne encore. Sa magie fonctionne encore. Avec en plus l'ensemble des périphrases, comme la fée verte, la muse verte, la muse verte aussi. C'est comme ça. C'est pour ça que les poètes s'approprient l'absinthe par cette expression, la muse verte. C'est pour les poètes, l'absinthe, n'importe, puisqu'elle s'appelle la muse verte. Et quelqu'un comme Jarry, qui écrit un texte qui s'appelle Le roi boit à la fin de sa vie, prétend que l'absinthe, bien sûr, c'est complètement faux, est une décoction du laurier vert des poètes. Donc, ben voilà, ça y est, nous avons le laurier vert des poètes en décoction à travers l'absinthe. Et tout cela, rappelons-le, José Luis Diaz, avec modération. Marie-Claude Delahaye, merci beaucoup. Je rappelle donc, bon, il y a vos ouvrages sur l'histoire de l'absinthe, et notamment l'absinthe au féminin, mais le musée de l'absinthe à Auvers-sur-Oise. Merci beaucoup à vous et merci beaucoup José Luis Diaz. On peut lire aussi vos ouvrages autour de Balzac, cet homme sublime, et le magasin du 19e siècle. Et encore une fois, le tout avec modération. Et pour le moment, il est temps de retrouver Anaïs Kien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire, en écho au déconfinement, vous nous dites qu'il va falloir se rhabiller. Lorsque notre présent deviendra un objet d'histoire, c'est le gris qui sera à l'honneur dans l'exploration de nos sociétés confinées. C'est en tout cas ce qu'on peut imaginer en lisant dans la rubrique Lifestyle du Guardian, une enquête auprès des Britanniques sur les tenues informes et sans couleur qui avaient eu leur préférence pendant ce temps d'enfouissement social entre les murs de leur sweet home et qu'ils s'apprêtaient à remiser au fond de leur placard, voire à lancer direction poubelle au moment de leur déconfinement. Changer de posture face au monde que l'on habite, la transition est périlleuse et demande parfois une recherche à tâtons et quelques ajustements. Claude Brezoul en fait la cuisante expérience en 1560. Arrêté et remis aux mains de l'Inquisition qui traque l'épidémie protestante en Flandre, ce franciscain converti au calvinisme protestant est accusé d'hérésie bien sûr, mais aussi d'avoir adopté une tenue vestimentaire fautive, voire scandaleuse pour un moine catholique. Dans le dernier numéro de la revue annuelle Mode Pratique, Marjorie Metz nous livre le récit de l'épisode initiatique qui lui est reproché au premier chef. S'être prêté à un rite de déshabillement sous le parrainage de ses nouveaux coreligionnaires. On lui a ôté sa robe râpeuse de moine, qu'il portait depuis plus de 30 ans, pour lui donner une veste et des chausses noires, tandis que son ancien habit était teint, lui aussi en noir, et retaillé pour lui servir de manteau. Rhabillé, le moine quittait sa charge de prêtre et son statut monacal pour signifier son rejet du clergé catholique, parasite de la relation du croyant avec le divin selon la foi protestante. Take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy, you're right, take off my clothes, oh bless me father, don't ask me why, you're right, you're right. Depuis la création de l'ordre franciscain au début du XIIIe siècle, l'apparence des moines, adeptes de sa règle, avait occupé les théoriciens. Comment exprimer clairement, pour toutes celles et tous ceux qui croiseraient leur chemin, leur vœu de pauvreté et de pénitence, et pour déployer la puissance de ce mode de vie spirituel aux prétentions exemplaires. Avec un long débat sur la couleur la plus appropriée à adopter. Pas de couleur franche, leur tenue se devait de n'être ni tout à fait noire ni tout à fait blanche, avec des analogies inspirantes, la cendre, un gris qui ne disait pas son nom. Gris, c'est bien la couleur de l'habit de moine de Claude Brezoul, juste avant sa transformation en vêtements séculaires franchement noirs. Une nuance qui n'hésite plus et indigne le catholicisme vestimentaire. Le geste de déshabillement hautement subversif, est décrit avec précision dans les archives, sans laisser place à la charge psychique de ce rituel de conversion. Marjorie Metz se demande ce qui est passé par la tête du moine défroqué au moment où il se prêtait à cette cérémonie dans la banalité du décor d'une maison anversoise. S'est-il remémoré le jour où il avait revêtu l'habit de moine et sa ceinture de corde qu'il avait caractérisé pendant la majeure partie de sa vie d'adulte ? Une mutation de son existence matérielle qu'il s'apprêtait à renverser pour la deuxième fois en opérant un retour au monde prescrit par le calvinisme. Parce que si Brezoul change son apparence, il ne renonce pas à croire. D'autres figures éminentes du christianisme en guerre s'étaient elles-mêmes déjà livrées à ces mises en scène vestimentaires. Le futur François d'Assise, père de l'ordre franciscain, en se dénudant entièrement pour signifier son renoncement au riche patrimoine familial qui était le sien, et même Luther qui avait ôté son habit d'Augustin en 1524 pour signifier sa conversion à la spiritualité nouvelle. Ici, changer de vêtements, c'est montrer que l'on est désormais fait d'une étoffe nouvelle, de celles et de ceux qui osent, une mutation volontaire qui exprime aux yeux de tous l'abandon d'une vie d'avant et une libération. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Tosiane Judès, Odile Jouessel, Juliette Corbel-Vivas, une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Toute la semaine, buvons ensemble l'histoire d'alcool, après la bière, le raki et l'absinthe. Demain, bois de l'eau, sac à vin, quand l'alcoolisme devint une maladie. Des émissions à écouter, à podcaster sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.